En nous présentant ton amoureux prétendu, Hector pourrait le placer et le mettre dans une situation à faire fortune. « Ça ne se peut pas !» avait dit la cousine bête. « Et pourquoi ?»« C'est une manière de polonner un réfugié. »« Un conspirateur ?» s'était écrié Hortense. « Es-tu heureuse ? A-t-il eu des aventures ?»« Mais il s'est battu pour la Pologne. Il était professeur dans le gymnase dont les élèves ont commencé la révolte. Et comme il était placé là par le grand-duc Constantin, il n'a pas de grâce à espérer. » « Professeur de quoi ?»« De Beaux-Arts. »« Et il est arrivé à Paris après la déroute ?»« En 1833, il avait fait l'Allemagne à pied. »« Pauvre jeune homme. Et il a ?»« Il avait à peine 24 ans lors de l'insurrection. Il a 29 ans aujourd'hui. »« 15 ans de moins que toi, » avait dit alors la baronne. « De quoi vit-il ?» avait demandé Hortense. « De son talent. » « Ah, il donne des leçons ?»« Non, avait dit la cousine bête, il en reçoit, et de dur. »« Et son petit nom, est-il joli ?»« Venceslas. »« Quelle imagination, les vieilles filles !» s'était écriée la baronne. « À la manière dont tu parles, on te croirait, Lisbeth. »« Ne vois-tu pas, maman, que c'est un Polonais tellement fait au knout que Bette lui rappelle cette petite douceur de sa patrie ?» Toutes trois, elles s'étaient mises à rire, et Hortense avait chanté « Venceslas, idole de mon âme » au lieu de « Ô Mathilde ». Et il y avait eu comme un armistice pendant quelques instants.